suis le Messie. Celui qui marche sur l'eau. Qui n'a pas de nul chien. Un pur esprit. Saint-Esprit est la bonne du curé. C'est de cette union-là que je suis né. C'est lourdingue comme hérédité. Je suis le Messie. Le bon Dieu, c'est mon vieux. Lui, c'est moi et moi, c'est lui. J'habite aux yeux. J'habite aux yeux. Je dirai les quatre vérités, celles qu'on vous a toujours cachées. Je pense que ça va bien vous éclater. Je suis le Messie, une espèce de Bouddha, un Mahomet, un Jésus-Christ, quelque chose comme ça. De changer le lait en beurre, sans pour ça en faire tout un fromage. Je suis modeste et j'ai mon cœur. Je suis la machine.